Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler de l'action de l'Union européenne pour une économie plus verte. Alors Camille, comment l'Union européenne s'engage-t-elle pour une économie plus verte ? Eh bien, l'Union européenne a adopté le Pacte vert européen en 2019 qui fixe l'objectif de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en émissions de CO2 d'ici à 2050. Et pour y parvenir, elle a décliné ce Pacte vert européen en une feuille de route qui comprend différentes mesures assorties d'objectifs. Et un des principaux leviers sur lequel travailler, c'est justement l'économie circulaire, autrement dit, sortir du modèle extraire, fabriquer, jeter, qui est intenable pour un continent qui se veut durable. Très bien, et quels sont les avantages d'aller vers une économie circulaire ? Eh bien, une économie circulaire permettrait de réduire les émissions de CO2 tout en stimulant la croissance et en créant de l'emploi. Donc ça englobe le réemploi des objets, la réutilisation, l'utilisation de matières et de composés plus durables, la réparation des objets et le recyclage, entre autres. Et cela concerne bien entendu l'ensemble des acteurs. Mais alors, quelle est justement l'action de l'UE dans ce domaine ? Eh bien, pour réussir à faire de l'économie européenne une économie neutre en CO2 d'ici à 2050, la Commission européenne a proposé en mars 2022 le premier paquet de mesures qui vise à accélérer la transition vers une économie circulaire. Les propositions comprennent notamment la stimulation des produits durables, la responsabilisation des consommateurs pour la transition verte, la révision du règlement sur les produits de construction et une stratégie sur les textiles durables. Et y a-t-il eu d'autres mesures proposées depuis ? Oui, en novembre 2022, elle a également proposé de nouvelles règles européennes sur les emballages. Alors, il s'agit là d'améliorer la conception des emballages, un étiquetage clair pour promouvoir la réutilisation et le recyclage. La Commission européenne a également appelé à une transition vers des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. Et quelles sont les dernières mesures proposées par la Commission européenne ? Eh bien, la Commission européenne a proposé le 16 juin de nouvelles règles pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent des téléphones mobiles et des tablettes. Très bien, mais qu'est-ce qu'il est prévu exactement ? Eh bien, en vertu de ce règlement sur l'étiquetage énergétique, les smartphones et les tablettes mis en vente sur le marché de l'Union européenne devront afficher des informations sur leur efficacité énergétique, leur degré de réparabilité, la longévité de leur batterie, leur protection contre la poussière et l'eau et leur résistance aux chutes accidentelles. C'est aussi la première fois qu'un produit mis sur le marché de l'Union européenne devra afficher un indice de réparabilité qui est prévu par les nouvelles règles d'éco-conception. Et justement, que prévoient ces règles ? Eh bien, elle prévoit donc dans le détail notamment l'obligation pour les producteurs de mettre des pièces de rechange à disposition des réparateurs dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables, et ce jusqu'à 7 ans après que le modèle ait été retiré de la vente dans l'Union européenne. Et je suppose que ce ne sont pas les seuls avantages. Non, les nouvelles règles contribueront également à optimiser l'utilisation des matières premières critiques et à faciliter leur recyclage. Et ce n'est pas tout. Non, cette proposition qui prévoit de nouvelles règles pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent des téléphones mobiles et des tablettes intervient le même jour que l'approbation par le Parlement européen et le Conseil de mesures qui visent à rendre ces appareils plus efficaces sur le plan énergétique, plus durables et plus faciles à réparer, à la suite là aussi d'une proposition de la Commission européenne qui date aussi de novembre 2022. Très bien, merci Camille. On écoute maintenant la chanson « Qu'importe » de Juliette Armanet. Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, des fêtes, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé, accroché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle de l'action de l'Union Européenne pour une économie plus verte. On a parlé de changements concernant notamment les nouvelles normes d'éco-conception pour ces appareils, mais la Commission Européenne souhaite aussi s'attaquer à un autre sujet, une autre partie du cycle de vie de ces produits. Oui, la Commission Européenne a lancé le 16 juin une consultation publique ouverte pour recueillir l'avis des citoyens et des acteurs concernés par la directive relative aux déchets qui proviennent d'équipements électriques et électroniques, la directive D3E. Et à quoi vont servir les résultats de cette consultation publique ? Eh bien, la Commission européenne se servira de ses observations pour évaluer la pertinence de la directive D3E qui avait été adoptée pour la première fois en 2002 et révisée en 2012 par rapport aux nouveaux défis que posent l'accès aux matières premières essentielles, la consommation accrue et la numérisation. Très bien, et sur quels éléments porte exactement cette consultation ? Eh bien, la Commission européenne sollicite des réactions en ce qui concerne l'identification des équipements qui contiennent des matières premières critiques et sur les pratiques de recyclage existantes pour ces matériaux. Cette évaluation, elle permettra également d'identifier les lacunes dans la mise en œuvre et l'application de la directive. Et que se passera-t-il à terme ? Eh bien, la Commission européenne pourrait envisager de réviser la directive selon les résultats de cette évaluation. Très bien, mais pourquoi la Commission européenne a-t-elle décidé de s'attaquer en priorité à ces déchets ? Eh bien, car les déchets qui proviennent d'équipements électriques et électroniques constituent l'un des flux de déchets dont la croissance est la plus rapide dans l'Union européenne et dans le monde. Et lorsqu'ils ne sont pas traités adéquatement, ils sont dangereux et peuvent avoir de graves conséquences sur la santé humaine et l'environnement. Ce type de déchets contient aussi des matières premières précieuses et indispensables, dont la récupération est primordiale pour favoriser une économie circulaire et renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Très bien, merci Camille. C'était la chronique Europe en Air de Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.